Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack 80.2 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on nous retrouve pour une nouvelle émission reggae où je vais présenter plusieurs artistes de dancehall martiniquais. Vous allez voir, ça va être super. Allez, commençons avec notre premier artiste, excusez-moi, qui est DJ Vanu. Il va chanter la chanson L'Evadé du Nevada. Allez, c'est parti. Vanu. Oh putain, j'ai des bielles. C'est l'Evadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader sur une ville et ville au volet qui l'a volé dans une villa et le valet qui vit voler, ville évadé qui s'envola. Si l'Evadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait qu'on l'y verra, il voulait pour se lever. Le divan de la diva qui vit l'évadé, ça fallait, mais quand le valet le villa, il se vit là pour l'éviter. Hey, what a ding, what a ding, ding, ding, what a ding, ding, ok, on va vite. What a ding, what a ding, ding, ding, what a ding, ding, je vais tout péter. What a ding, what a ding, ding, ding, what a ding, ding, ding, what a ding, what a ding, ding, ding, what a ding, ding, ding, ok, on va vite. Je vais tout péter. Ok, on va vite. Et bien voilà les amis, c'était DJ Vanu, l'évadé du Nevada. Allez, continuons avec notre prochain artiste qui est DJ Guel, qui est en feat avec Versano La Rose. Et ils vont chanter la chanson Muy Caliente, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Allez, c'est parti. Me girl. Muy Caliente. Caliente. Muy caliente. Muy caliente. Puta. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Puta. Muy caliente. Muy caliente. Muy muy caliente. Muy caliente. Puta. Muy caliente. Wine slow, then wine a little flow. Yeah. Wine slow, then wine a little flow. Wine slow, then wine a little flow. Yeah. Wine slow, then wine a little flow. Wine slow, then wine a little faster. I got the hot sauce, feeling like a master. Wine slow, then wine a little faster. I got the hot sauce, feeling like a master. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente, puta. Muy caliente. Muy caliente. Les amis, c'était Muy Caliente. Allez, notre troisième artiste est DJ Teshab. Le titre de la chanson, c'est la meilleure des copines, c'est celle des autres. Allez, c'est une belle phrase, ça. Hein. Voilà, c'est donc une belle philosophie. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour la philosophie, on est là pour écouter une bonne musique, quoi. On est là pour écouter de la musique. Donc, c'est parti pour la meilleure de tes copines. C'est seul deux autres, let's go. Mmh. Ten soldats barges, métropole, pour des tibica, en l'état à la nous qu'est pététole. Qui ou c'est anglais, espagnol ou kenny, pour parler créole. Si t'as bu trop d'alcool, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule, appuie-toi sous mon épaule. Ou pas qu'a fait ça. Hey yo, t'as la même c'est la yenge. Fina mi mout, Bix, fina mi mout, fina mi mout, mout. Fina mi mout, Bix, fina mi mout. Chat, on avait dit qu'on commençait doucement. Fina mi mout, Bix, fina mi mout. Fina mi mout, Fina mi mout, another one a crush. Sweet marijuana, me love you so much. Breakfast dinner, me have you for me lunch. Shoulda see me with the weed, cake and the weed punch. In a herbs, man a flurry, so me have it by the bunch. Bunch, bunch, bunch. In a herbs, man a flurry, so me have it by the bunch. Bunch, bunch, bunch, bunch. You're the old man, man, you're born to you. Il m'a comme élevé, mais t'es spéléreuse. Pas laissé me l'aimer, t'es mettre tout mon ado. Goum, shot yo di yo bandi, kriye yo maladi. Yo di yo bad man, yo koban se yo. Ti ma kou me levi, ni te spelling glosso. Pale si me levi, te me tout mon ado. Goum, shot yo di yo bandi, kriye yo maladi. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Chouma tat tat, chouma chouma tat tat. Hola, what's happening? Y'all take your time, sit down and listen. Let me control your lips, your pum pum so hot. Y'all tell me if you know I understand. Let me give you your good juice or pineapple. Hey. Girl, you love sweet things like pineapple. Sweet things, good things like pineapple. Me know that you love sweet things like pineapple. Sweet things, good things, things good. Good things like pineapple. Sweet things, good things, things good. Good things like pineapple. Let me give you your good juice. Choice good, good choice of pineapple. I'm ready to, if she ready to. Good girl, good choice, good things. Let me give you your good choice. Choice good, good choice of pineapple. I'm ready to, if she ready to. Good girl, good choice, good things. Let me give everybody you. Everybody, like position, like position. Everybody, get up, Mister. Everybody think, like coach position. Everybody think, yo DJ, nobody think, bust a slow wine. Everybody think, like position, like coach position. Everybody think, like position, like coach position. Everybody coach funny beats, funny beats, coach funny beats. Everybody coach funny beats, funny beats. Like a me a tell time. Everybody coach, everybody coach funny. Everybody. Think like position, like coach position. Everybody think. Toutes ces femmes là sous que Bouddha considéré la ni famille fou comme des Bouddha yo. Si Mwen ka kaje koko. Mwen pa vwet fwa mwen show. Ko dite kako. Mwen ka pote lyrics go fas ni glo. Le nou soti ka popye nou. Let me tell you how we go. Tennis mwen, ale pi mwen check. Basket mwen, ale tet mwen check. T-shirt mwen, ale mwen check. Time to roll out, sweet like a jet. Eh bien voilà les amis, c'était DJ Chab. Allez, la prochaine chanson s'appelle Follow Me. C'est la matraque qui va chanter, vous allez voir, c'est juste de la bombe. Moi, je l'ai découvert aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, j'avais rien à faire aujourd'hui. Le dimanche après-midi, d'habitude, je suis occupé. Je fais ma musique et tout ça. Parce qu'il faut savoir que je suis un tout jeune DJ, donc je crée ma musique, tout ça, c'est super bien. Ou des fois, je joue à la play comme tout le monde. Et là, non, ça me disait rien. Du coup, je me suis dit, on va voir si... Si on peut pas découvrir de nouvelles chansons, et je l'ai découvert là cet après-midi. Donc je me suis dit, bon, on va pas perdre de temps, on va la passer ce soir. Donc voilà, donc je vous la fais découvrir et vous allez voir, moi j'ai direct kiffé. Vous allez voir, c'est super bien, c'est Follow Me et c'est tout de suite. X-Line. You are telling them. Update. Bad joke. I'm attack on the mic, hey. You are tell them. Special pussy wall, are you ready? Bust them kill me, no feel nobody. Bad girl, whine your body. Only God can judge me. Tell them anytime, anywhere, anybody. Are you ready for the kill anybody? Lama track, shut up, kill anybody. Anytime them. Ouvre mes sommets, ouvre, follow me. Oudi ouai, mweme, ouvre, follow me. Bien gardé, ou toujours qu'à follow me. Ou qu'à follow me, ou qu'à follow me. Ou bien mes sons, mais ou qu'à follow me. Ou dit ou aïe, mais ou qu'à follow me. Bien gardé, ou toujours qu'à follow me. Ou qu'à follow me, ou qu'à follow me. Ou dit qu'on s'acque, ou qu'à fuck moi. Passe à ouais tête moi, ou disparaît kill moi. Mais pas tenir longtemps ou venez check moi. Parce que c'est brisé moi, ou c'est presque fait lâche moi. Déjà bouillonne, pas bon de bon moi. Les macas fait ça fait moi, c'est le bon Dieu qui a guidé moi. Mande bon Dieu pour éclairer chimé moi. M'en pas cagade bas moun, pas m'en cagade bas moi. Don't kill it me vibe, no fun of me. No fun of me, no fun of me. Combien kabak jalio, mais yo ka follow me. Yo ka follow me, yo ka follow me. Don't kill it me vibe, no fun of me. No fun of me, no fun of me. Combien kabak jalio, mais yo ka follow me. Yo ka follow me, yo ka follow me. Ou ben mes son mais ou ka follow me. Ou di ou aï mais ou ka follow me. Bien gardé, ou toujours qu'à follow me. Ou qu'à follow me, ou qu'à follow me. Ou bien mes sons, mais ou qu'à follow me. Ou dit ou aïe, mais ou qu'à follow me. Bien gardé, ou toujours qu'à follow me. Ou qu'à follow me, ou qu'à follow me. Special pussy wall, are you ready? Bust them kill me, no feel nobody. Bada girl, whine your body. Only God can judge me. Tell them anytime, anywhere, anybody. Are you ready for the kill anybody? La matraque, shut up, kill anybody. Anytime them. Don't kill it, me vibe, no fun of me. No fun of me, no fun of me. Combien kabak jalio, mais you can follow me. You can follow me, you can follow me. Don't kill it, me vibe, no fun of me. No fun of me, no fun of me. Combien kabak jalio, mais you can follow me. You can follow me, you can follow me. Ou bien mes sons, mais you can follow me. Ou dit ou aïe, mais you can follow me. Bien gardé, ou toujours qu'à follow me. Ou qu'à follow me, ou qu'à follow me. Ou bien mes sons, mais ou qu'à follow me. Ou dit ou aïe, mais ou qu'à follow me. Bien gardé, ou toujours qu'à follow me. Ou qu'à follow me, ou qu'à follow me. You are telling them. I'm attack them again, them again, them again, them again. But them kill anyway. Thank you. Et bien voilà les amis, c'était la matraque Follow Me. Allez, le prochain artiste est Niken. Il va chanter Me Gusta. Vous allez voir, c'est vraiment une chanson. Mais alors, qui bouge à mort. Vraiment, les autres, elles bougeaient, mais celle-là, elle est vraiment... Pouf, ça, vraiment... Je pense que le Noël qui arrive là, elle va y passer celle-là, hein, parce qu'elle est vraiment superbe. Allez, je vous laisse savourer cette chanson et on se retrouve juste après les amis, c'est parti. Moi ça prend en français, moi ça prend en créole, moi ça prend en anglais. Je prends en espagnol pour montrer les autres ça qu'a passé. T'as croisé en les fucking trap music en les reggae. Je dis à ces reggaeton, moi choisi pour amuser. Son Colombie, tension, tension, puis pas bas en calories. Todos mismos, Sierra de Boca. Todos mismos, el capo se parle pas. Tu no comprendes, chico, escucha bien. No estoy jugando, puta mierda. Eso solo dice la mamá. Moi ça prend en créole, moi ça prend en anglais. Je prends en espagnol pour montrer les autres ça qu'a passé. Qu'a crasé en les fucking trap music en les reggae. Je dis à ces reggaeton, moi choisi pour amuser. Dineros para mi, es todo me gusta. Todos las gentes son enamoradas. Mi hija y mi en un mundo más meco. Amigo, amigo, puta de perro. Eso solo dice la mamá. Et ben voilà les amis, c'était Me Gusta. Allez, je vous propose que de la Martinique, on passe à la Guadeloupe. La Guadeloupe, une île que tout le monde aime. Hein. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais rien que voir des certaines photos, tout ça, ça me donne plutôt l'envie d'y aller. Hein. Vraiment, ça me tente. Hein. Et vous allez voir que la musique est pas mal non plus. C'est pour ça que je vais vous passer Panic J Fit Milaiti. Je sais pas si vous avez tout compris. Car franchement, c'est un nom assez spécial, mais la musique est plutôt pas mal. Et c'est le principal. Hein. Allez, c'est tout de suite, c'est Physical Girl. Let's go. Yo, panique. En cas trouvé démentiel, t'as là, c'est la vraie l'officiel. Y pas besoin superficiel, pas besoin retouche logiciel. Ouais, y qu'a mené mon ancien. Il y a un bel potentiel. Efficace qu'on boit séquentiel. Y'a le noir, y'a l'essentiel. C'est un physical girl. Là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a un physical girl. Physical, physical, physical girl. Girl. Là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a un physical girl. Physical, physical, physical girl. Aïe. Ou ka fait yo mal, faut avec un physique ou pas très normal. Depuis ou ka passé yo tout ka fait morfal ou ni un sac et dorsal. Venez-moi pas les bocal. Aïe, aïe, ou c'est un criminal. Arrêtez brûler comme ça, ça qu'elle finit mal. Moun ka vini fou nous va les physical girl. Man j'aime les corps ou pas fin criminal. C'est un physical girl. Là y ka passé, y ka fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a un physical girl. physical, physical, physical, girl, girl. Là, il a passé, il a fait tout normal. Gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Crier ça, y'a physical, girl. Physical, physical, physical, girl. Est-ce la loue, vous dit la vie à Kona Matata. Ça n'est tellement potent, c'est un homme qui a fini à Baba. Oulala, que passe à la caverne d'Alibaba. Fout nous et mes femmes, panique, j'ai aimé tequila. Meilleur pom-pom, let go, y'a béton. Fais le combo, faut j'pense à Ketty, ben y'a béton. Girl, t'es y'a chaud là, ça m'a dit y'a tata. Gizmo y'a la poudre, est-ce que tu y'a physical, girl? Là y'a qu'à passer, y'a qu'à faire tout normal. Gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Crier ça, y'a physical, girl. Physical, physical, physical, girl, girl. Là y'a qu'à passer, y'a qu'à faire tout normal. Gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Crier ça, y'a physical, girl. Physical, physical, physical, girl. Oh, c'est un peu physical, girl. Un girl fatal qui pas banal. Un peu du local artisanal. Ou mis tout en trop, et ça pas mal. Record mondial ou dans les annales. N'importe qui nomme qu'à tout mes chats. Car même ça qui pas fait qu'à scraper là. Dans le classement général ou à yal, yal. Ça pas loin, yal. Ou qu'à déclasser yo qu'on a dal. Veillé pour pas finir qu'on va. Valou c'est un star, mais tes gilets pas mal. Physical girl, là y'a qu'à passer, y'a qu'à faire tout normal. Gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Crier ça y'a physical girl. Physical, physical, physical girl, girl. Là y'a qu'à passer, y'a qu'à faire tout normal. Gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Crier ça y'a physical girl. Physical, physical, physical, y'all. Ah là là là là là là. Mais qu'est-ce que j'aime cette chanson. Ah là, j'espère que vous aimez aussi, hein. Parce que vraiment, pour moi là, sans vouloir me vanter, je passe plutôt de la bonne musique, hein, vraiment. Ah, déjà que l'émission Génération Rap, c'était de la bombe. Mais alors là, c'est vraiment le top du top, quoi, hein. Allez, allez, pour la dernière chanson. Eh oui, la dernière déjà. Je vais vous passer Snoop Dogg et Vips Cartel. Vous allez voir. Vous allez kiffer. Et on se laissera dessus, sur cette chanson, malheureusement. Et oui, ça passe très, très vite. Mais bon, on se retrouve dimanche prochain, donc ça va, ça passe vite. Allez, tout de suite, Vips Cartel avec Snoop Dogg. Just get let out and jail. Your pussy a the liar, me body get deal. Cocky a go for you like a wall nail. Two shot a street vibes in a couple blue wheel. Blue wheel busting a me head like gun position. Fit a ride a the devil na feel. Yalla, yalla, inhale and exhale. She say me cocky good if me a put it for seal. Cocky top fit the body where you get turn it front way, turn it from back She say me beat, beat up the pussy cat. Me say, baby, I know me do your dance. Show your pussy tight and your pussy fat. Show your pussy tight and your pussy fat. Show your pussy tight and your pussy fat. Show your pussy tight and your pussy fat. But we be going ham. We gon' get retarded. Let's get the party started. Let's be the party starter. Like I'm supposed to, coast to, approach you, train you and coach you, get you up to par, hit you up real hard, bodyguard, tell me when the party start, so I can plug it in and begin, break down another zip on the hip, get a little cute bitch to twist this, baby say dog, I wanna be your mistress, is that right, well let me give you the rules, put you to school, first off adjust your attitude, let's say we play these ladies, me and my nephew Louisville KD on a mission, don't fuck with me baby, blowing hella chronic and you know we stay way G, LB says me, that's my city, I got hoes with dog paws on they titties. And your pussy back, I say your pump it up a unibet, tight like me lay up me clocks on a step, put your 2 foot on me shoulder even, while you play with me bars like two right get it, when you done and I go be at my girl watch yourself, cocky aftershock make your side broke your neck, Think on the land, shopping at your belly like rocket, every girl a feel say oh me body I take. Cock it up with the body where you get turn it front way, turn it from back She saw me beat, beat up the pussy cat. Me say, baby, I know me do your dance. Show your pussy tight and your pussy fat. Show your pussy tight and your pussy fat. Show your pussy tight and your pussy fat. Show your pussy tight and your pussy fat. Me love the style, me love. me just get let out of jail. Your pussy a the liar, me body get pale. Tacky a go bore you like a wall nail. Two shot of street vibes in a couple blue wheel. Blue wheel bussing a me head like gun. Position fit a rider, the devil not feel. Yalla, yalla, in the yalla next seal. She say me cocky good if me a put it for seal. Cocky top fit the body where you get her. Turn it front way, turn it from back. She say me beat, beat up the pussy cat. Me say, yeah. Baby, I know me do you dance. Do your pussy tight and your pussy fat. Do your pussy tight and your pussy fat. Do your pussy tight and your pussy fat. Do your pussy tight and your pussy fat. And your pussy fat. Tights and your pump it up a unibet. Tight like me lace up me dance on a step. Put your 2 foot palm me shoulder event. While you play with me balls like two right guinea. When you done and I go beat my girl, watch your step. Cocky aftershock make your side broke your neck. The body launch up in your belly like rocket. Every girl I feel I say oh me body high tech. Cocky top fit the body where you get her. Turn it front way, turn it from back. She say me beat, beat up the pussy cat. Me say baby, I know me do your dance. Turn your pussy tight and your pussy fat. Turn your pussy tight and your pussy fat. Eh bien voilà les amis, c'était Snoop Dogg avec Vip Scuttle. Allez sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain à Brighton à 21h, excusez-moi, sur Fadjet. Il est vraiment temps que j'aille me coucher. Parce que ça s'entend hein, que voilà, mais c'est pas grave. Mais non, on se retrouve dimanche prochain à 21h pour une nouvelle émission reggae. Et sur ce, à la prochaine les amis.